Salut tout le monde, bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec Lalonde des ondes, Marc Lalonde le micro. Toujours un plaisir, comme à l'habitude, d'être là à tous les semaines à vous offrir l'excellente musique franco-canadienne d'un bout à l'autre du pays. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai la nouveauté de Raphaël Buckler, premièrement. J'ai aussi du Ronald Bourgeois, Marc-Jo Thériault, album de la semaine, un EP spécial de musique jazz fusion assez solide. On va entendre également du René Ray, du Michel Russell. J'ai du Étienne Beausoleil à vous offrir également, ainsi que Benjamin Deschamps de Quintet. J'ai aussi du Madrigaillard, du Jeremy and the Delicious Sound et bien d'autres. Restez là, je vous reviens bien sûr dans quelques secondes avec le bloc des Maritimes à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Bonjour, bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec Lalonde des ondes. Très content d'être avec vous. Et comme à l'habitude, permettez-moi le temps de remercier des gens très très spéciaux qui me permettent comme ça de vous offrir un 2 heures de musique franco-canadienne. Merci à Vanessa Elisabeth de l'Arc du Canada, merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes, CHMR Saint-Jean-Terre-Neuve-Labrador, CKJM Chéticamp, WFM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, CKMA Miramichi Nouveau-Brunswick, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa, et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe de la région de Barrie en Ontario. Il y a aussi Envol 91 Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg Saskatchewan, CILS Victoria Colombie-Britannique, CIVR Yellowknife Territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Commentaires, suggestions, même contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental. Ça tourne chez vous, ça tourne nulle part ailleurs, même pas à Canrock. Eh bien, laissez-moi leurs coordonnées à canrockcdn@gmail.com. Allons-y avec le bloc des Maritimes. On va commencer ça comme à l'habitude. Hein? Depuis janvier, on commence ça avec une chanson souvenir pour célébrer les 25 ans de Canrock. Et justement, une chanson de la directrice des nouvelles à CHMR, Colleen Power, qui va nous offrir, tirée de son album Terre-Neuve ou Terre-Neuvienne, tout simplement Danger, Danger. Excellente chanson, j'écoute ça encore aujourd'hui, puis je trouve ça encore hot comme pièce. Donc Danger, Danger, ça s'en vient de Colleen Power. Et puis par la suite, on va entendre la nouveauté, nouvel extrait de l'album éponyme de Raphaël Buckler. Ça s'appelle Camping Colibri. Assez intéressant, merci, vous allez voir. Mais pour l'instant, voici la charmante Colleen Power. Danger, danger! La semaine dernière

Ferroille de À la Valdrague, émission qu'on peut voir le samedi soir sur les ondes de Radio-Canada. Émission tournée en Acadie, dans un petit village. Il joue un personnage, ce Raphaël Buckler, qui s'appelle Ferroille. Donc, toujours intéressant d'écouter la musique de Raphaël Buckler. C'est un auteur, compositeur, interprète de la nouvelle génération, si on peut ainsi dire. Assez intéressant, merci. J'adore ce qu'il fait. Donc, on vient d'entendre Camping Colibri. Autre chose que j'aime entendre, j'aime faire tourner, c'est tout simplement le nouveau produit qui s'appelle Beau Séjour, un nouveau duo avec Danny Boudreau et aussi Jocelyne Baribeau de Winnipeg. Monsieur Boudreau, bien sûr, vient de l'Acadie, du Nouveau-Brunswick. Ils étaient justement du côté de Moncton, si je ne me trompe pas. Ils étaient là pour le tournage de tout simplement Country, émission qui, si je me trompe pas, est animée par Caro Laurando, si je ne me trompe pas. C'est une émission de musique country qu'on verra sûrement cet automne. Et Beau Séjour était là pour nous proposer le premier extrait qui s'appelle « Le vieux country ». L'album s'en vient à l'automne, donc il faudra être patient. C'est terminé tout, mais on va le sortir à l'automne. Donc, dans quelques instants, on va entendre cette belle pièce country qui s'appelle « Le vieux country ». Tout simplement, Danny Boudreau et Jocelyne Baribeau. Et par la suite, on va entendre aussi un beau souvenir de Ronald Bourgeois qui était présent justement lors du tournage. Ronald Bourgeois, j'ai décidé de vous faire entendre Eugène, tiré de son premier album « Amène le vent » qui est sorti, je vous dirais, 95-96 peut-être. Ça fait quand même une petite secousse, mais c'est tellement bon. Donc Eugène de Ronald Bourgeois, qui est un auteur, compositeur, interprète, de la Nouvelle-Écosse. Super bon chanteur. Ça s'en vient également. Merle et Willie, Buck Holmes et Tweety. Crystal and Dolly, the dans le temps. On était tous des enfants, passant nos jours à nous jouer des tours, tous les matins. On se rencontrait sur le chemin. Aujourd'hui nous étions les soldats du roi. Journée d'été, on les passait à se baigner. On n'aimait pas les filles quand on les trouvait drôles. On vieillit petit à petit, mais plus toi Eugène. On vieillit petit à petit, mais plus toi Eugène. Au cinéma, on faisait tout qu'un fracas. Et même parfois, on écoutait l'histoire des cowboys. On était tous des cowboys. On n'avait pas de cheval, mais on faisait semblant. Et faire semblant, c'est difficile de faire semblant. Quand on vit, c'est dit, faut que tout soit vrai. On vieillit petit à petit, mais plus toi Eugène. On vieillit petit à petit, mais plus toi, non plus jamais toi, non plus toi, Eugène. Récipiendaire du prix Portia White 2018, Ronald Bourgeois. Et j'ai été visiter son site internet, ronaldbourgeois.com, aller faire un tour de ce côté-là, et j'ai vérifié, hein, j'ai vérifié pour être sûr que je n'étais pas dans le champ. Je l'étais un petit peu. Hein. Son album « Amène le vent », sur lequel on trouve cette chanson-là, Eugène, eh bien, ça fait 25 ans, comme l'émission Canrock. C'est sorti, l'album est sorti en 1994, et si vous allez sur son site internet, vous pouvez découvrir son univers, vous procurer ses disques. C'est un auteur, compositeur, interprète de la Nouvelle-Écosse, originaire de Chéticamp. Et je le considère sérieusement dans la même catégorie que Robert Paquette et compagnie. C'est un des grands auteurs, compositeurs, interprètes franco-canadiens, si vous voulez. Donc, toujours un plaisir de faire tourner sa musique. Il était justement là au tournage de Tout simplement Country, la même émission que Beau Séjour. Et Beau Séjour, je vous rappelle, c'est un nouveau duo. Danny Boudreau de l'Acadie, de Nouveau-Brunswick, et Justine Baribeau de Winnipeg, au Manitoba. Donc, voilà. On va poursuivre et terminer notre bloc des Maritimes avec tout simplement une chanson qu'on m'a demandé à deux, trois reprises ces derniers temps. Je pense que la dernière fois que je l'ai fait jouer, c'est peut-être juste avant Noël ou juste après Noël. C'est une bonne secousse. Et on m'a demandé de la rejouer parce que c'est exceptionnel. Je parle de Évangeline. Et bien sûr, oui, Madame Blanchard, Annie Blanchard, fait une belle version sur son dernier album, Welcome Soleil, de Évangeline. Mais pour moi, quand on parle d'Évangeline, on parle de Marie-Jo Thériault et son piano. Et c'est tiré d'une compilation que j'ai, qui je pense pas c'est trouvable, là, mais c'est une compilation qui avait sorti Acadie, Racine, Patrie sans frontières. Et on retrouvait cette chanson-là sur l'album. Et elle l'avait chantée aussi à Sudbury à un moment donné. Et puis, c'est de toute beauté. Donc, Marie-Jo Thériault et Évangeline, ça s'en vient dans quelques instants. Mais juste vous dire que pour ce qui est de Marie-Jo Thériault, ben, on ne sait pas s'il y a un nouvel album qui s'en vient. Mais on peut la voir, elle aussi, dans La Valdrague le samedi soir à 18h30 sur Radio-Canada. Les étoiles étaient dans le ciel, toi dans les bras de Gabriel. Il faisait beau, c'était dimanche. Les cloches allaient bientôt sonner et tu allais te marier dans ta première robe blanche. L'automne était bien commencé, les troupeaux étaient tous rentrés et parties toutes les sorcelles. Et le soir au son des violons, les filles et surtout les garçons t'auraient dit que tu étais belle. Évangélina, Évangélina. Mais les Anglais sont arrivés, dans l'église ils ont enfermé tous les hommes de ton village. Et les femmes ont dû passer avec les enfants qui pleuraient toute la nuit sur le rivage. Au matin, ils ont embarqué Gabriel sur un grand voilier, sans un adieu, sans un sourire. Et toute seule sur le quai, tu as essayé de prier, mais tu n'avais plus rien à dire. Évangélina, Évangélina. Alors, pendant plus de 20 ans, tu as recherché ton amant à travers toute l'Amérique. Dans les plaines et les vallons, chaque vent murmurait son nom comme la plus jolie musique. Même si ton cœur était mort, ton amour grandissait plus fort dans le souvenir et l'absence. Il était toutes tes pensées, chaque jour il fleurissait dans le grand jardin du silence. Évangélina, Évangélina. Tu vécus dans le seul désir de soulager, de guérir ceux qui souffraient plus que toi-même. Tu as appris qu'au bout des chagrins, on trouve toujours un chemin qui mène à celui qui nous aime. Ainsi, un dimanche matin, tu entendis dans le lointain les carillons de ton village. Et soudain, alors, tu compris que les épreuves était fini, ainsi que le très long voyage. Évangélina, Évangélina. Devant toi était étendu sur un grabat un inconnu, un vieillard mourant de faiblesse. Dans la lumière